Comme les déserts sont des déserts, parce que nul ne les ouvre, le silence est en nous, plus vivant que le jour. Il n'est pas du dedans, il n'est pas du dehors. Il se prolonge à tous les horizons. Il est comme un espace qui mesure sa force. Le silence sans barrage va plus loin que les mots. La seule chose qu'il impose est son écoulement. S'ouvrir à sa promesse et naviguer durablement. S'il interroge, il est un chant. Et s'il est pressenti et s'il est désiré, il ne dit pas son heure. Il est ce que le temps même ne possède. Zone de nous inentamée, chacun le côtoie, se sent frôlé. Il tisse notre en dedans, à sa manière, bien à lui.